Restez calme. Tout va très bien se passer. Au fin fond de l'univers, propulsé dans une quête frappadingue, une cellule d'investigation gouvernementale met tout en œuvre pour percer les tréfonds de l'inconscient et les profondeurs de l'âme de celles et ceux qui ont fait notre monde. Son nom ? Le ministère psychique. Bienvenue à toi dans ce laboratoire expérimental du Mangin Palace. C'est la panique, et c'est absurde, but what's new, pussycat ? La folie, au fond, n'existe jamais à l'état de nature, elle n'existe jamais seule. Il n'y a de folie que parce qu'il y a une non-folie. C'est votre dernier mot. Bonjour, professeur Mauduit. Bonjour, professeur Colin. Ça roule, ma poule ? Ouais, pas mal, papa Schultz. Ma nuit fut magistrale, mais tout de même moins agitée qu'une visite de la garde des Sceaux au tribunal. Enfin, passons. Quel est notre patient ce matin, professeur Mauduit ? Une vieille peau, une vraie momie pour ce dossier Epsilon 009. Attendez là, ne me dites pas que vous me pensez à la femme que j'évoquais à l'instant. Mais non, bien sûr que non. Écoutez, professeur Colin, je vous la fais en trois briques. Nez. Nez ? Ben, Cyrano de Bergerac. Non, non, non. Deuxième brique. Sarcophage. Sarcophage ? Olivier Besancenot. Non, mais oui, enfin, non, écoutez bien. L'agide. Ah, bah, Cléopâtre. Facile. Vous auriez dû commencer par là. En même temps, Cléopâtre, on peut difficilement avoir moins morte comme patiente, là, quand même, professeur Mauduit, non ? Vous le faites exprès ou quoi ? Oh, écoutez, il y en a bien qu'on fait Cléo de 5 à 7. Nous, on peut faire Cléopâtre de 11 à 12. C'est n'importe quoi, professeur Mauduit. Enfin bon, maintenant qu'on y est, allons-y. Étudions le dossier de cette patiente momifiée. Maniez-vous le train, les chawaptis ! Apportez au labo le dossier de la reine d'Égypte ! Allez, Cléopâtre ! Au bain ! Je passe 3 heures à me faire les pieds, les cheveux, les ongles et tout ! Tout ça pour la grandeur de l'Égypte ! Ça fait un mois que je répète mon arrivée ! C'est pas grave, divine Cléopâtre. Tout le monde dort encore, personne ne t'a vu. Oui, bon, bah arrêtez de chialer, Cléopâtre. On n'a pas encore commencé, là. Remarque, c'est vrai que t'aurais de quoi flipper, cocotte, puisque le ministère psychique est très inquiet face aux méandres scabreux de l'architecture mentale de cette reine d'Égypte. Un dossier particulièrement pervers, n'est-ce pas, professeur Mauduit ? Ah, c'est sûr, professeur Colin. Mais plus précisément, qu'est-ce qui nous tourne boule chez Cléopâtre ? Eh bien, primo, ce fut une épouvantable psychopathe légumière, puisqu'elle taillait en cube tous ceux qui la désiraient, sans doute un atavisme macédonien. Ensuite, Cléopâtre développa un abominable narcissisme. D'ailleurs, valait mieux Ptolémée que la détester. Et enfin, comment ne pas être effrayé devant cette mégalomanie égyptienne qui consistait à mener le monde par le bout du nez ? Le nez de Cléopâtre, vous avez tous achevé la phrase célèbre de Pascal. S'il eût été plus long, plus court, toute la face de la terre aurait changé. On ne sait pas très bien si c'est plus court ou plus long. Car après tout, c'était la même chose. Du moment que son nez aurait changé de taille, paraît-il, toute la terre aurait changé de face. Mais comme remarquait heureusement Tristan Bernard, la face de la terre aurait changé, mais d'abord la sienne. Eh bien, pour lui maraver sa face, justement, nous allons approfondir ensemble ce matin la troublante psyché cléopatriste afin d'établir un diagnostic non négociable et savoir enfin si oui ou non les ondulations psychologiques de notre patiente recèlent encore de véritables dangers pour notre société. Le tout certifié par le ministère psychique. Mais juste avant d'entamer notre curieuse séance, afin de te préparer au mieux à notre petit exercice, eh bien monte le son mon ami et soyez les bienvenus. C'est la panique et faites connaissance avec ces 3 sœurs mimétiques du ministère psychique. Sing, sing, sing, sing, everybody start to sing. Ooh, wahoo, now you're singing with a swing. When the music goes around, got to sing. Ooh, ooh, oh, ooh. And now you're singing with a swing. Swing, swing, swing, swing. Listen to the trumpet swing. Blow, blow, blow, blow. Listen to the trombones go. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Ho, ho, baby, ho, ho, ho. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. Woo, wahoo. Now you're singing with a swing. Swing, swing, swing, swing. Everybody start to swing. Woo, wahoo. Now you're swinging while you sing. Just relax and take it slow. Sing, sing, sing, sing. Everybody start to sing. Start singing. Keep swinging. Now you're singing with a swing. Sing, sing, sing. Chante les Andrews Sisters. Andrew Libre et Sister de Rire. Quand on attend quelqu'un dans un café, on est toujours symboliquement dans la position de l'enfant qui attend sa mère, finalement. Avant tout, le ministère psychique patauge avec délectation dans l'univers mental du vénérable professeur Roland Barthes. Magnifique réflexion introductive à notre séance du jour consacrée ce matin au cas clinique d'une étrange patiente à la réputation et à l'odorat inégalée, à savoir la grande Cléopâtre, bien sûr. Et pour commencer nos investigations, le ministère psychique a recherché dans les expériences de cette reine d'Égypte tout ce qui pouvait dénoter de dérives psychiques profondes. Oui, mon ami, quelle est la construction de l'architecture mentale de la géniale Cléopâtre ? Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, est une figure marquante de l'Antiquité dont le mythe et l'image ont su traverser les siècles. Et pour commencer, il faut bien évidemment essayer de comprendre les méandres psychotiques qui ont pu guider Cléopâtre dans ses relations avec les hommes au point d'avoir cette réputation de grosse coquine. Bon, petit rappel, au 1er siècle avant Jésus, la dynastie des Lagides, d'origine grecque, est au pouvoir en Égypte, mais c'est un peu la mouise dans ce pays, qui est alors bien loin de la splendeur pharaonique. Ainsi, quand Ptolémée XII meurt en -51, sa fille Cléopâtre joue des coudes pour prendre sa place au pouvoir. Elle réussit surtout l'exploit de séduire l'ennemi romain, incarné par le général Jules César, en passe d'annexer l'Égypte. Et Julot, venu à Alexandrie, se laisse alors envoûter par le charme et les douceurs de la souveraine égyptienne. Il m'arrive des fois, quand on fait l'amour tous les deux, que tu m'envoies par-dessus l'arc-en-ciel comme le magicien d'Oz. Tu es si attentif à tout ce qui se passe en moi, comme si tu écoutais. Oh oui, tu as la plus belle queue que je connaisse. Et je l'entends qui me parle chaque fois qu'elle entre. On dirait qu'elle a une petite voix de l'intérieur. Oh, elle dit des choses si mignonnes. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Oh, oh, oh, je t'aime à l'italienne. Tu es dangereuse tant tu es adorable. Moi, je trouve que ça fait peur. Et de cet amour italien de Cléopâtre naît un fiston du nom de Césarion. Pourtant, le choc culturel est assez fort entre ces êtres de renom, au point que, parfois, le courant ne passe plus entre la reine d'Égypte et son général romain. Assez ! Je dis juste que, culturellement parlant, l'Égypte, c'est pas non plus. Ne dis pas qu'il n'y a pas eu une grande période égyptienne. Ça, d'accord. Je dis simplement qu'aujourd'hui, ton peuple est décadent et que l'Égypte n'est plus qu'une province de Rome. Une province ? Ah oui. Jusqu'à nouvel ordre, ô César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Des trucs pointus, là. Et le Sphinx ? Et la tour de Pharos ? C'est quoi ? De la gnognotte ? Oui, enfin, ça date pas d'hier, hein. Qu'est-ce que ce soit hier ? ou aujourd'hui, mon peuple est le plus grand de tous les peuples. Dis donc, ton peuple, t'es quand même grec au départ, alors comme égyptienne de souche, j'ai vu mieux, excuse-moi. Assez ! Assez culotté pour arriver à ses fins, et surtout pour conserver la grandeur de l'Égypte. Cléopâtre accompagne donc Jules César à Rome, où elle assiste aux immenses triomphes de son général. Pourtant, pour les Romains, Cléopâtre n'est qu'une catin, une perverse et une putain. C'est pourquoi, quand Jules César est seriné, en -44, tout coque mi fili, les Romains et principalement les sénateurs font comprendre à la reine d'Égypte qu'elle ferait mieux de quitter Rome, fissa. Alors va te faire voir chez les Grecs, faire la folle à Bandol, faire des trucs chez les Turcs, faire craquer les Mongols. Ce que tu veux, mais surtout, fais ce que tu veux, mais surtout, va te faire voir chez les Grecs, faire tes combines en Chine, faire leur fête aux Helvètes, faire du fric en Afrique. Ce que tu veux, mais surtout, et en effet, Cléopâtre quitte rapidement Rome, passe par la Grèce et regagne Alexandrie. Mais la puissance de Rome pèse toujours sur l'Égypte. Jules César a laissé derrière lui deux prétendants, Octavien et Marc-Antoine, qui se partagent le monde romain, l'Orient pour Antoine et l'Occident pour Octavien. Et c'est dans cet Orient érotique à souhait que Marc-Antoine rencontre la charmeuse Cléopâtre, comme nous le raconte André Gide, dans une lecture envoûtante de sa propre traduction de l'Antoine et Cléopâtre de William Shakespeare. Quand, sur les eaux du Cydne, elle vint à la rencontre d'Antoine, du premier coup, elle vous empauma son cœur. La barque où elle était couchée, resplendissante comme un trône incendiaire. La poupe était d'or martelé, de pourpre les voiles, et parfumée au point que les vents amoureux pâmaient sur elle. Quant à elle, sous un pavillon de drap d'or, elle reposait, plus belle encore que cette image de Vénus où l'imagination fait honte à la réalité. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Dans ta vie, je suis dans tes bras. Ah bah oui, Antoine face à Cléopâtre, il a plus d'appétit qu'un barracuda. Commence alors une incroyable passion, teintée de calculs politiques et de plaisirs érotiques. Sauf qu'au même moment, à Rome, devant l'attirance d'Antoine pour les fastes des souverains orientaux, les sénateurs romains s'interrogent. Mais n'oubliez pas que c'est un homme qui passait son temps à faire des plaisanteries extrêmement grossières et que Cléopâtre est parvenue d'ailleurs à lui plaire en faisant le même genre de plaisanteries. Et là, c'est on peut tout employer... à fait le cas de la putain. C'est une des plus belles putains de l'histoire du monde. La plus belle, je crois. La plus grande. Mais elle a vraiment avec joué. Elle a joué de tous les artifices, n'est-ce pas Oui, mais pourquoi? C'est là où le problème devient pour l'Égypte, pour l'Égypte, ne peut-être pas pour l'Égypte, pour elle-même. Mais non, ni pour elle-même ni pour l'Égypte. La clé de Cléopâtre, c'est pas ça. Cléopâtre est un personnage qui, après avoir été quelque peu dominé par César, va comprendre qu'il manque une dimension à la Rome antique. Elle comprend parfaitement que ce qui manque à Rome, au moment où commencent de mourir les vieux dieux empruntés à la Grèce, ce qui manque à Rome, c'est une spiritualité. Et en effet, pour un Romain, baignant dans un idéal de rigueur, la spiritualité peut sembler lointaine dans le faste déployé par Cléopâtre pour charmer Antoine. Sauf que voilà, pour Antoine, ben non. Il ne se fait pas manipuler par Cléopâtre. Si elle est raide dingue, Cléo, c'est tout simplement parce que pour lui, Antoine, ben... Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Je suis un beau gosse. Transformation ! Beau gosse time. Ouais, la beau gosse attitude d'Antoine, pourquoi pas. Mais c'est sans doute rien à côté du charme envoûtant de Cléopâtre pour qui la survie passe par la séduction de celui qui pourrait être son ennemi. Pourtant, tout se complique pour Cléopâtre lorsque son amoureux Antoine se fait battre par Octave à la bataille navale. B5, C6... Merde, touche écoulée. D'Axium en 31 avant Jésus-Christ. Et là, c'est une tragédie. Antoine apprend à tort que Cléopâtre est morte. Et il se suicide d'un coup de glaive. De son côté, Cléopâtre, à nouveau seule face à son nouvel ennemi, tente de faire ce qu'elle a toujours fait, séduire celui qui peut lui nuire. Oui, mais bon, son charme majeur pour se protéger des attaques étant devenu inefficace, Cléopâtre choisit la piqûre d'un aspic pour s'en aller cette fois-ci chauffer Anubis, le dieu des morts. Et Anubis fut si séduit qu'il la garda près de lui, faisant fi des symptômes inquiétants, des troubles du comportement de la divine Cléopâtre. Alors maintenant, comme à chaque fois après une étude pointue de nos services, notre laboratoire expérimental estime donc que les excentriques de Cléopâtre sont réellement de dangereux exemples. Mais pour éviter toute erreur clinique, le ministère psychique blinde ses expertises. Ainsi ai-je demandé à l'éminent professeur Mauduit d'approfondir ce dossier. Découvrons ensemble ses conclusions. Si jamais le seul critère de santé mentale était cette capacité à sembler rationnelle, on serait pour ainsi dire obligé de fermer boutique par manque de patients. Professeur Mauduit, nous vous écoutons. Très bien, professeur Collin. J'ai donc cherché aujourd'hui la clé de voûte de l'architecture mentale de l'envoûtante Cléopâtre. Et j'ai surtout voulu comprendre comment cette reine égyptienne a pu devenir le symbole plurimillénaire d'un idéal de beauté. Parce que 2000 ans de réputation de bambasse, c'est dément. Et d'abord, cette femme d'origine macédonienne, cette Cléopâtre grecque avec sa gueule de métèque et ses cheveux aux quatre vents, était-elle si mimi qu'on le dit ? Pourtant, Cléopâtre a toujours eu la réputation d'être belle, et cela quelle que soit l'époque. Pourtant, les critères de beauté ont changé dans le temps. C'est pourquoi il faut comprendre Cléopâtre comme une figure sur laquelle l'imaginaire collectif projette, selon les époques, ses fantasmes et ses désirs. Ainsi, la Cléopâtre, peinte en 1630 par l'Italien Guido Reni et conservée au palais Pitti à Florence, est gironde et pétillante, à la différence des mannequins squelettiques qui défilent aujourd'hui sur les podiums et sur lesquels un aspic, même enragé, aurait bien du mal à trouver ou mordre. Alors, pourquoi avoir réduit la figure de Cléopâtre à la beauté ? Eh bien déjà parce que c'était l'occasion pour les peintres de monter des nichons, c'est trop cool des nichons, avec un serpent en plus. Bon, je vous passe l'analyse freudienne. Ensuite, nous trouvons une explication dans le film Cléopâtre de Mankiewicz avec Elizabeth Taylor. En effet, en 1962, Joseph Mankiewicz était en conflit avec son producteur, le patron de la Fox, Daryl Zanuck, qui ne supportait pas l'image que le film donnait de Marc-Antoine. « Ce pauvre Marc-Antoine, c'est une véritable loque !» disait le producteur de la Fox. « Si une femme me faisait le dixième de ce qu'elle lui fait, je lui couperais les couilles !» Ce à quoi le malin Mankiewicz répondit « Allô, docteur Freud ?» Eh oui, vouloir expliquer le destin incroyable de Cléopâtre par sa beauté et son charme, c'est pour les mâles dominants refuser d'accepter son intelligence. Toute la face du monde ne tiendrait alors qu'à un détail, comme par exemple à la longueur de son nez. Bon, déjà, deux remarques là-dessus. Pour le balèze Blaise Pascal, un gros tarin, c'est glam. D'accord, bon, on lui refilera la photo de ses figraphes, hein, et... Puis on lui dira que c'est pas la longueur qui compte, hein, quand même. Mais surtout, Pascal voulait dire que les actions des hommes dépendent de petits détails. Alors aujourd'hui, tout ça s'est dépassé. Et la figure de Cléopâtre, femme de caractère, n'aurait sans doute pas sa place dans notre société si policée. Bah oui, ouais. Aujourd'hui, qui pourrait être la nouvelle Cléopâtre ? Une personne enivrée de pouvoir, adorant le luxe, les cortèges officiels, et prête à virer Pompée pour César, pour ensuite pomper César, et dérouler le tapis rouge à George Bush, et voyager partout et se mêler de tout. Mais oui, mais bien sûr, la nouvelle Cléopâtre, c'est président Sarkozy. Car si Cléopâtre était la reine Lagide, notre président est sans aucun doute le roi de l'agidation. Parfait, professeur Mauduit. Je pense qu'après cette analyse comportementale globale, nous en savons un peu plus sur la perversité de notre patiente, sans cesse séductrice. Mais le ministère psychique traque la vérité, la sienne. L'étape suivante, après une courte pause de musicothérapie, consistera donc à trifouiller les déviances comportementales qu'a pu développer cette dernière reine d'Égypte, que l'on doit appeler Cléopâtre si on lui enlève un petit peu d'air. Un petit peu d'air ne me fera pas de mal. Planter mes pieds en éventail. La vie en bleu dont tu parlais. La vie en rose comme un banc de sable. Un petit peu d'air ne me fera pas de mal. Dénouer le fil jusqu'aux étoiles. La vie en bleu comme un chameau. La vie en rose comme tes trouvailles. Un petit peu d'air. Un petit peu d'air. Ici fragile et écrasé. Comme un œuf dans la mêlée, qu'aurait bronzé comme un journal. Jette comme la lune un visage pâle. Un petit peu d'air ne me fera pas de mal. Tourner les murs, lever les voiles. La vie en bleu comme un bateau. La vie en rose des carnavals. Un petit peu d'air, c'est ce que réclame Philippe et Chat. Alors que pour Cléopâtre, il y a toujours eu dromadaire, bien sûr. Trifouiller la face cachée de la patiente, telle est la mission du ministère psychique. Après avoir revisité sa construction mentale, l'équipe du professeur Collin poursuit son analyse et tente maintenant d'explorer les aspérités refoulées chez la patiente. Avant tout, comme chacun sait, Cléopâtre est sans aucun doute la femme la plus illustre de l'Antiquité. Bon, bien sûr, certains vont me dire que la mère de Jesus a tout de même une cartouche à jouer, elle aussi, point de vue notoriété. Oui, je dis oui, sauf que la reine d'Égypte, elle, fut une véritable star en son temps. Alors que la pauvre Marie, là, primo, elle a épousé un ouvrier menuisier. Même pas fichu ensuite, pépère, de lui payer une chambre en clinique pour accoucher. En gros, la loose. Cela dit, ce ne fut pas si facile non plus pour Mademoiselle Cléopâtre. Ainsi, en trifouillant les aspérités refoulées chez notre patiente, nous allons chercher justement si son ego contrarié est à l'origine de cette soif effrénée de célébrité. D'ailleurs, le ministère psychique a immédiatement diagnostiqué la pathologie dont souffrait Cléopâtre et que nous appelons ici le syndrome de Paris-Hiltonisme, autrement dit une névrose pulsionnelle à vouloir devenir absolument célèbre quand on est une pauvre petite fille riche. Oui, Cléopâtre voulait être une icône des médias. Pourquoi ? Eh bien, tout a commencé par une violente humiliation pour la reine d'Égypte. En effet, alors qu'elle n'a que 20 piges, Cléopâtre se pouille avec son frère Ptolémée. Elle doit donc s'exiler en Syrie, où elle zone un bon moment, avant de regagner Alexandrie 14 mois plus tard, grâce à l'appui politique de César. Seulement voilà, lorsqu'elle déboule chez elle en Égypte, personne ne la reconnaît. Et là, sur le boulevard Akhenaton, les flics du pharaon commettent une grosse boulette. C'est que dans un garage ce matin, on a arrêté une fille. Elle disait qu'elle s'appelait Cléopâtre et un type qui était là nous a parlé d'un singe et de deux faucons. Dans un garage ? Et elle disait s'appeler Cléopâtre ? C'est ça, noble consul. Et tu l'as arrêté ? Bien sûr. Mais tout le monde sait que Cléopâtre est introuvable ! Il en trouve une ! Mais il n'est pas foutu de faire la différence entre une reine d'Égypte avec un singe de faucon et une pute de banlieue. Oui, telle une pute de banlieue, Cléopâtre fut embarquée au poste puisque la maréchaussée égyptienne ne l'avait point reconnue. Humiliée, bafouée, outragée, la fille cadette de la dynastie des Lagides décida qu'elle ne subirait plus jamais un tel affront. Désormais, il fallait donc que son aura plane sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Oui, mais alors, pour y parvenir, que faire? Eh bien, au départ, pour faire prospérer son image, donc, les conseillers de Cléopâtre insistèrent pour qu'elle devienne la marraine des fournitures scolaires des élèves égyptiens. Aujourd'hui, je suis content, c'est la Saint-Pot-de-Colle. Bonne fête à tous les pots de colle. Au lieu de bouder, souhaitez-lui bonne fête. Bonne fête à tous les pots de colle. Hein? Oui, mais bon, Cléopâtre boudait, puisqu'avoir sa tronche sur des pots de colle, franchement, on a fait mieux pour conquérir le monde. Résultat, elle changea de conseiller en communication, et Cléopâtre fit alors appel au grand vizir de la pub, le tout en carton Jacques Séguéla, qui lui décida d'utiliser d'autres charmes de la reine d'Égypte pour lancer une gigantesque campagne promotionnelle. Cléopâtre, reine d'Égypte. Cléopâtre, son nom est lié à un secret de beauté, crème et parfum. Cléopâtre, un savon onctueux comme une crème, sensuel comme un parfum. Cléopâtre, un secret qui pourrait bien changer la face du monde. Cléopâtre, un secret de beauté. Ainsi, grâce à la savonnette, ce fut le début de la gloire pour la reine d'Égypte. Sa notoriété fut galopante, d'immenses affiches ornaient enfin les murs d'Alexandrie et dorénavant on se battait pour l'inviter dans les fêtes les plus hype sur les bords du Nil. Cela dit, son désir de revanche ne tarit point. Son égo bafoué ne pouvait se contenter de cette gloire simplement égyptienne et Cléopâtre désirait maintenant percer sous les feux de la rampe romaine. Une fois à Rome, très vite elle devint une coqueluche et la reine d'Égypte fut alors l'invitée vedette du plus grand show de la chaîne du service public. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici le cirque de Rahat-Loukoum, où dans quelques instants nous allons vous transmettre en direct les jeux du cirque offerts par le tout-puissant César, maître incontesté de l'Occident, à la divine Cléopâtre, reine d'Égypte, 1m72, 47 kilos, fille d'Aménophistophélète de la 18e dynastie et de son épouse Étorsis. Établie à Rome, Cléopâtre fut enfin une icône des médias internationaux et plus personne ne pouvait ignorer son visage. D'ailleurs, elle fit la couverture de 8 numéros de Rome Match, la gazette impériale au service de César. Son aura médiatique fut telle que la reine d'Égypte devint également la reine de la mode. Mais dites-moi, son existence à Rome a été une existence prodigieuse. Enfin, elle était à la fois femme de lettres, maîtresse de César, mais aussi princesse de la mode, n'est-ce pas ? Oui, elle incarnait déjà les salons littéraires et politiques que nous avons vus fleurir en France. Elle a su créer une cour de poètes, de capitaines, de philosophes, d'artistes. Le jeune homme Virgile lui récitait ses premiers vers devant le paysage majestueux du Tibre. Mais dites-moi, pour ce qui intéresse surtout nos auditrices, est-ce qu'elle n'a pas été, en tant que princesse de la mode, est-ce qu'elle n'a pas importé des choses amusantes, enfin ? Certes, elle a appris aux Romaines, par exemple, l'art de se maquiller les doigts de pied. C'est une chose amusante et qui méritait d'être soulignée. Oui, tout comme pour Paris Hilton aujourd'hui, figure-toi que toutes les adolescentes de l'Empire romain ont singé les tenues vestimentaires et les lubies de Cléopâtre. Seulement voilà, pour être tout en haut de la pyramide du Star System, il manquait à Cléopâtre une pierre angulaire. En effet, sache qu'à l'époque, il existait un journaliste gaulois, le plus grand intervieweur que la Gaule n'ait jamais compté. Et un passage dans son studio t'offrait les clés d'une postérité éternelle. Eh bien, cet immense journaliste, que nul n'a encore aujourd'hui remplacé, a fini par accepter de recevoir la reine d'Égypte, triomphe absolu. Et c'est sans doute grâce à lui que Cléopâtre est encore dans toutes nos mémoires. Radioscopie, Jacques Chancel. Quand on parle de vous, Cléopâtre, on dit d'abord que vous êtes belle. Vous pouvez enjoliver cette beauté naturelle. C'est comme une espèce de miracle. D'ailleurs, je ne cherche pas à l'expliquer parce que j'ai peur qu'à trop l'expliquer, après ça passe et ça ne vienne plus. Mais enfin, je vous sens, Cléopâtre, comédienne, bien évidemment, mais peut-être un peu aussi réellement amoureuse. J'étais aussi très amoureuse. Vous parlez au passé ? Oui. Mariage blanc ? Bien sûr, je pense que les arrangements dépendent seulement de moi. Je fais avec et j'espère que cela ne dérangera pas les Français. Oui, c'est vrai, mais vous savez, on dit tellement de choses. On ajoute, parlons de vous, Cléopâtre, intelligente, mais évidemment cruelle. Tu sais, je pense que c'est cela, la démocratie. Les goûts et les couleurs des gens ne se discutent pas, leur opinion non plus. Alors, on a dit cruelle. Quand César est arrivé en Égypte, par exemple, les Égyptiens lui ont apporté la tête de son rival Pompée. Ce n'est pas quelque chose qu'on sait de lui. Mais vous savez, on ne sait pas tout précisément des gens, quelle que soit leur position. Et ce n'est que lorsqu'on est dans leur vie intime que l'on voit la réalité de ce que sont les gens, de leur goût et de leur penchant. Merci Cléopâtre. Merci à vous. Voilà, merveilleuse Cléopâtre qui, dans la foulée, a sorti un single à la gloire de ses racines dynastiques, intitulé comme chacun sait, Quelqu'un m'a dit que tu Ptolémée encore. Alors maintenant, afin d'approfondir nos recherches sur le refoulé psychologique de notre patiente, nous avons demandé à l'interne psychédélique du ministère psychique, Mademoiselle Claire-Sophie Collet, de mener une enquête un peu plus pointue sur les hypothétiques zones d'ombre psychiques chez Cléopâtre. Professeur Mauduit, veuillez appeler l'interne et découvrons ensemble ses conclusions sur le refoulé cléopatrien. L'interne, pointez-vous au labo! Allez, hop! Démonstration! Now, wait a minute. Do you realize what you're saying? Alexandrie, moins 69, année pharaonique, naissance de Cléopâtre. Fille du roi Ptolémée XII, elle appartient à la dynastie des Lagides qui gouverne l'Égypte depuis 4 siècles. Elle figure avec son frangin comme une héritière potentielle au trône d'Égypte. Mais quand arrive l'adolescence, la jeune Cléopâtre ne souhaite pas vraiment suivre les règles gonflantes du protocole. Ma chérie, selon la loi, tu dois avoir épousé un prince. Père, si je me marie, je veux que ce soit par amour. Par amour? Bah oui, quand on a 15 ans et qu'on est princesse, c'est dur de ne pas croire aux contes de fées. Et toujours dans ses tripes fleurs bleues, Cléo va alors continuer sa quête rebelle dans la botanique et s'initier à de nouvelles cultures. Tu sais, c'est pas la peine de tirer sur ton joint. Si tu ne veux pas, allez, brûler vas-y, les lèvres. Vas-y, mais non, maintenant. Ne sois pas timoré. Mais en moins 51, le souverain d'Égypte meurt. Et c'est à Cléopâtre et son frère Ptolémée XIII de reprendre le pouvoir. Mais bon, à 18 et 15 ans, c'est l'âge con et aucun des deux ados n'est prêt à faire l'effort pour s'entendre. Cléo va bouder dans son coin et s'exile en Syrie. Loin du bling-bling des pyramides, la reine d'Égypte y découvre un nouveau mode de vie. Vous vous faites pas trop chier ici? Non, si tu n'en as pas le temps. Non, on a beaucoup d'activités. Le tissage, les fromages, le miel, la culture biologique. Vous êtes écolo, quoi. Ce serait donc ça la solution, la babacool attitude. Cléopâtre retourne en Égypte, bien décidée à faire la paix avec Ptolémée XIII. Mais les peace and love, mon frère, n'ayant aucun effet, c'est toujours la cata. Et pour certains voisins méditerranéens, cette situation de crise semble être une bonne case pour prendre un peu de pouvoir. Alors, Jules César débarque à Alexandrie en espérant y gratter quelque chose. Il fait donc la connaissance de Cléopâtre. Vous êtes en vacances? Ouais, si tu veux, enfin, je vis ici, quoi. Toute seule? Non, on vit en communauté. Ah oui, ça se passe bien. Tu veux dire sur le plan sexuel? Eh ben, la mission diplomatique, du coup, elle prend une toute autre tournure. C'est pas vraiment veni vidi vici, mais plutôt... Si, sex and song. Alors là, Ptolémée XIII, il l'a mauvaise. Et il comprend vite par quels moyens sa sœur va réussir à garder le pouvoir. Flower power, mon œil de sphinx, oui. Et lui demande Fissa des explications. C'est ton Jules ou quoi? Non, Jules, non mais t'es pas bien, toi. Oui, mais enfin, il est installé dans ta chambre quand même, je rêve pas. Eh ben alors, c'est pas parce qu'il couche dans mon lit qu'il a des droits sur moi, non? Oui, bah en attendant, le mal est fait. La réputation de Cléopâtre devient carrément craignose pour l'image du pays. Jules César convoque les souverains Lagides pour essayer d'écraser les derniers partisans de Pompée. Mais Cléopâtre faisant partie de la petite sauterie, les solutions proposées vont vite dévier du sujet initial. Tu sais pas ce qu'il me propose? Non, il sait pas. Non, il me proposait de coucher avec lui. On plaisantait, mais moi, on dépassait mes paroles. Ça fait chier, merde, tout le temps, c'est les fêtes. Jules César est furax. Non, c'est vrai, il faut rappeler qu'à la base, si Cléopâtre avait adhéré au mouvement hippie, C'était avant tout pour des raisons politiques. Bon, je m'occupe de paix dans le monde avec des pétitions contre la guerre, tout ça. Je milite, je m'engage, et puis aussi de paix. Mais ça ne s'écrit pas pareil. Excusez-moi, je dois être un peu con. Bon, ok. Ah, d'accord. Vous, vous êtes une femme. Ouf, yeah. Oh, yeah. Oh, oh. Hey, il vient de m'arriver là. Vous l'avez bien cherché. Thank you, Mr. Taylor. Bien, le professeur Mauduit et moi-même remercions l'interne insolente du ministère psychique pour son point de vue contradictoire sur le refoulé a priori hippie, donc, chez notre patiente Cléopâtre. Mais bon, poursuivons notre analyse et nous allons constater, le temps d'une courte séance de musicothérapie, qu'après Cléopâtre, d'autres pharaons ont traversé les dunes de sable et les plaines sans arbres. Mais bon, là aussi, ça date. Énorme de sable. C'était Dalida, l'autre reine de l'Égypte. L'inconscient est le discours de l'autre. Il est structuré comme un langage, ce qui est pléonasme, nécessité pour me faire entendre, puisque langage est la structure. Alors, après avoir trifouillé les différentes aspérités refoulées chez notre patiente Cléopâtre, passons immédiatement à la propagation contemporaine des syndromes cléopatriens. Oui, mon ami, où se nichent les dérivés psychotiques, hérités de notre formidable patiente pharaonique. Car vois-tu, la redoutable architecture mentale de Cléopâtre a sans doute laissé autant de survivances névrotiques que son illustre patronyme. Et pour commencer, comme d'habitude, nous avons donc soumis son dossier à une analyse critique inspirée du psychiatre suisse Carl Gustav Jung. En effet, un spécialiste jungien du ministère psychique, autrement dit un technicien de l'inconscient collectif, le docteur Yvan Bogelet, a tenté d'expertiser les influences de la psyché de la reine d'Égypte dans les pratiques politiques contemporaines. Professeur Mauduit, faites appel à notre expert jungien et découvrons comment les névroses de Cléopâtre ont tenté de bousculer notre société occidentale si phallocratique. L'expert jungien, pointez-vous au labo, analyse! D'une certaine manière, d'ailleurs, c'est la fameuse loi de Haeckel, l'ontogénèse récapitule la phylogénèse, etc. On sait qu'on ne peut plus tenir cette position. Puis-je vous poser une question? Bien sûr. L'envie du pénis serait, selon vous, un concept aujourd'hui dépassé. Voulez-vous nous préciser votre idée? Bien volontiers. Qu'est-ce que c'est au juste que cette Cléopâtre, hein? Une sauvage ou quoi? Parce que même maintenant, Il y a très peu de femmes. Indira Gandhi, le premier ministre indien. Il y a des femmes qui ont de très hautes positions, mais si vous voyez toute la population, alors il y a aussi des femmes qui n'ont pas changé beaucoup. D'après ce qu'on dit, puissant César, ce serait plutôt une femme de tête. C'est ignoble, c'est immonde, c'est ridicule, c'est grotesque, c'est inconvenant. Il n'y a rien d'autre à ajouter, si ce n'est que ce que tu dis là est infâme. Oh César! Il y a environ 2000 ans, sous le règne de Cléopâtre, la reine des reines, les Égyptiens parlaient comme ça. Je dis aux gens, vous ne pouvez pas fuir les conséquences de vos actes. Si vous vous payez plus en produisant moins, le chômage augmentera. On vit un petit peu en France aujourd'hui ce que nos collègues anglais ont vécu avec Margaret Thatcher il y a quelques années. Tu verras qu'avant longtemps, tu viendras te traîner à mes pieds. Mais on ne crée pas d'emplois en produisant de l'inflation. On ne crée que des problèmes pour le futur. On l'a dit autoritaire, mais assez féminine. Oh, quelle horreur ! Si c'est pour le bien de Rome. Est-ce que le traumatisme qu'entraîne l'apprentissage de l'hygiène a une influence déterminante sur la sexualité future de l'adolescent ? Le bain de Cléopâtre ! Le bain de Cléopâtre ! Ségolène Royal, elle... Tu es plus belle que jamais. À parler des agriculteurs. Cela fortifie-t-il les cheveux? Reconnaître et défendre la valeur travail, c'est faire en sorte d'abord que le travail soit bien rémunéré. Si tu réussis, je te couvrirai d'or. Sinon, je te jetterai au crocodile. 41 ans, nommé à la tête de la justice. Rachida Dati ou la réussite de l'intégration. C'est un immense honneur qui m'est fait d'être aujourd'hui garde des Sceaux, ministre de la justice. C'est un symbole fort pour notre République. Pour toute une partie de Français, je suis le symbole de la France. Oui, mariage, mais enfin, pour des raisons simplement politiques. Non, mais tu ne seras pas obligé. Non, mais il est fou, celui-ci. C'est tout ce qu'il a trouvé, me faire épouser une Éthiopienne. Oui, enfin, Cléopâtre n'était pas vraiment éthiopienne, et ce n'est certainement pas un chef gaulois qui aurait commis cette erreur d'appréciation. Quelques pays exerce sur les Français une fascination particulière. L'Égypte est à n'en pas douter de cela. Une très ancienne légende parle d'un endroit appelé la Cité des Morts, la Porte de l'Enfer. L'endroit où les pharaons de l'ancien empire cachaient les richesses de l'Égypte. Tant d'empires édifiés et disparus, dont nous aurions peine à tracer les contours. Ils viennent pour découvrir son secret. Les momies, mon cher, l'endroit où on les embaumait. Sa durée. La permanence de ces traits essentiels nous impressionne, nous qui ne trouvons déjà très longue notre propre histoire. Et lorsqu'on a été en Égypte en vacances, on a décidé, extraordinaire, de visiter les pyramides. Très original. Et l'Égypte qui paraît défier le temps en demeurant depuis combien 6000 ans pour le moins, au cœur de l'histoire du monde. En effet, la fascination du président Mitterrand pour l'Égypte était évidente et soyons certains que Tonton aurait tenté d'ambiancer Cléopâtre. Et d'ailleurs, quelques mois avant sa mort, Mitterrand arpentait encore les pyramides dans sa quête d'immortalité historique. Par ailleurs, il n'a pas tort lorsqu'il affirme ici que les Français sont envoûtés par l'univers des pharaons. Oh, ça remonte très loin. J'aurais aimé être, je sais pas, une pharaonne égyptienne ou une impératrice romaine, pourquoi pas. Oh, je sais pas, j'ai une fixation sur Cléopâtre. C'est très... Et alors, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez régné sur l'Égypte? Ah, oh, j'aurais surtout régné sur Jules César, sur Marc-Antoine et sur quelques autres. Ah oui, c'est ça, en fait. C'est ça. J'ai pas vraiment le goût du pouvoir, mais j'ai le... C'est le goût des empereurs romains. Oui, c'est ça. C'est difficile, vous savez, actuellement, de se trouver un empereur romain. Pas facile, c'est vrai, aujourd'hui de se trouver un empereur romain lorsque tu es victime de mimétisme cléopâtrien. Le dernier en date chez nous fut sans doute Napoléon, lui aussi fasciné par l'Égypte. Et lors de sa mémorable expédition, en 1798, Bonaparte fit une razzia monumentale sur le patrimoine égyptien. Et à ce propos, figure-toi qu'il existe en France une curieuse rumeur sur Napoléon et Cléopâtre. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que Napoléon, quand il a fait sa campagne d'Égypte, il a rapporté évidemment plein de trucs, plein de choses qui ont été répertoriées et d'autres qui n'ont pas été répertoriées. Et notamment la momie de Cléopâtre aurait été emportée par Napoléon par mégalomanie, parce que comme c'était comme elle avait vécu avec César, Antoine et tout, lui qui se prenait pour un empereur, donc il avait envie d'être comme un des derniers amants de Cléopâtre, et il l'aurait rapporté en France, et ça n'aurait pas été noté. Et cette momie se serait retrouvée à la Bibliothèque nationale, mais il se trouve qu'en 1871, à Paris, quand il y a eu le siège, il a fallu, on a caché beaucoup de choses, et la momie de Cléopâtre a été mise à la cave de la Bibliothèque nationale. Eh ben, voilà que le ministère psychique cherchait les résurgences contemporaines de Cléopâtre. Et nous apprenons ici que sa momie serait peut-être enterrée dans les caves de la Bibliothèque nationale à Paris. Hallucinant, non? Mais alors, que peut-il bien se passer dans ces sous-sols obscurs rue Richelieu lorsqu'au cœur de la nuit s'ouvrent les sarcophages? Eh bien, figure-toi que la momie de Cléopâtre reçoit d'étranges visiteurs nocturnes. Écoute attentivement cet enregistrement exclusif que t'offre le ministère psychique. Faites silence pour Caius Julius César, consul du Sénat du peuple de Rome. Que tous se lèvent. Il ne faut pas décevoir le puissant César. Bonjour. Tout va bien? Vous m'entendez? Oh, c'est toi. On a le droit que les gens vous disent bonjour quand même. Je t'ai fait mander hier soir pour une audience dans ma salle du trône. D'accord. Je vois que tu t'es correctement vêtu pour être en ma présence. C'est une question d'éducation. On n'est pas dans le service public. La plus belle armure. Non. L'ancienne. Ça va changer, là. Je sais. Ça va changer. Ce matin, très tôt, tu es allé en visite officielle au tombeau d'Alexandre. Tu es demeuré seul près du sarcophage pendant quelques temps. Et puis tu as pleuré. On commence à quelle heure? Pourquoi tu pleurais, César? J'avais protesté. Tu n'avais pas confiance en moi, c'est ça? Tu es resté combien de temps au placard? Pourtant. En ces quelques instants, tu as fait de moi l'incontestable reine. Elle est bonne, hein? La seule souveraine d'Égypte. Pourquoi? Elle fait du windsurf. Vous voulez pas poser une question d'actualité sur Carcassonne, non? Tu projettes donc de te rembarquer, grand César? Oh, avec plaisir. Cette nuit, il te sera supérieur en nombre, à 20 contre 1, à 30 contre 1. Moi, je les vois pas. Tes troupes vont encercler entièrement le palais royal. Ça prouve que j'apprécie en général et en particulier. Cet homme récite magnifiquement. Il est aveugle? Non, il n'est pas aveugle. Mais en revanche, nous savons désormais d'où il tire toute son énergie, là. Ainsi, tel François Ier, il grignote des petits bouts de momie, en l'occurrence ceux de Cléopâtre, lors d'étranges cérémonies secrètes nocturnes et païennes. Cela dit, il n'y a pas que dans les caves de la Bibliothèque nationale que les survivances cléopatriennes se sont répandues. Figure-toi qu'au sein de nos propres murs, au ministère psychique, nous avons avec nous quelques vrais tarés qui vouent une admiration sans borne à la divine Cléopâtre. Ils entretiennent le mythe égyptien, et d'ailleurs l'un de nos pensionnaires à vie, trépané deux fois, que nous appelons ici long corps chétif, t'offre ce petit présent. Il est réellement de plus en plus barré, mais c'est la tradition. Les malades ont la parole! Ouais, je t'aime bien, Cléopâtre. Pour toi, je me mets en quatre. Comme un guide, un dépliant. Ô toi, ma reine d'Orient. J'aime tes senteurs parfumées, moi qui daube le jambon fumé. Et nous sommes dans nos rapports intimes, tel un bouquet garni. Moi le laurier et toi le thym. Tu es ma bonne fée qui me fait de l'effet. Tu chasses le sale qui est en moi, c'est toi qui me nettoies. Cléopâtre, ma savonnette, ma pomponnette. Tu me glisses entre les doigts comme un serpent adroit qui s'y frotte, aspic. Aïe! Aïe, je me suis ramassé. Je t'ai trop fait mousser. Cléopatatra. Décidément, je suis trop con. Woke to one more whiskey sunrise. Got the city's grit in my eye. Last night was really something. Your fake leopard skin and everything. Bearded lady danced Santiago ou Hugo Frey. Il m'appelle la folle, je ne sais pas pourquoi. Loin de moi tout s'envole, dès que l'on m'aperçoit. Par de dures paroles, je suis montré du doigt. Il m'appelle la folle, je ne sais pas pourquoi. Nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations psychologiques et il est temps maintenant de confronter notre patiente au redoutable diagnostic différentiel de sa personnalité. Durant cette séance, le ministère psychique a constaté à quel point Madame Cléopâtre conserve aujourd'hui encore l'image d'un personnage dangereux, celui d'une femme à poigne qui prend des décisions et qui mène les hommes par le bout du nez. Et d'ailleurs, ça commence à suffire, les jeux de mots à trois balles autour de son nez. Franchement, pour conclure cette émission, il faut élever le niveau du banquet. Et une fois n'est pas coutume, le traditionnel banquet qui clôt chaque aventure d'Astérix n'eut pas lieu en Gaule, mais en Égypte. Et le mec lui dit, c'est le phare à un. Parce qu'il s'appelle On, le mec. Le mec s'appelle On. Il dit, c'est comme il avait un phare. Il dit, c'est le phare à On. Le mec s'appelle On. Et il lui dit, c'est son phare. Mais c'est le phare à On, comme le phare à On, qui est le chef de nous. La pharaone Cléopâtre mérite donc sans doute un peu d'indulgence à force de subir des moqueries sur son nez, sur sa nudité et sur son phare d'Alexandrie. C'en est donc fini des nénuphars. Allez, Cléopâtre, dehors, on vous a assez vu. Ce fut un cas psychique difficile pour le ministère. Mais qu'en sera-t-il la prochaine fois? Voilà, c'est la fin de la 9e consultation du ministère psychique consacrée ce matin à la divine Cléopâtre, reine d'Égypte. Xavier Mauduit, notre co-auteur et moi-même remercions chaleureusement toute l'équipe du ministère psychique. Primo, merci à Jérôme Chélius ce matin à la réalisation. Merci beaucoup Jérôme. Assisté aujourd'hui à la technique de Jessica Fouchet. Merci, c'était parfait et un clin d'œil à Marco Mutel. Merci aussi beaucoup à Flora Bernard, Claire-Sophie Collet et Yvan Beaugelet pour la préparation des clips sonores. Thierry Dupin pour la programmation musicale. Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires. Julien Dugast et Cyril Bert pour leur sympathique complicité, sans oublier les formidables documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations supplémentaires, le ministère psychique possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez, je l'espère, télécharger l'émission dans quelques instants pour une balado-diffusion. Sachez enfin que la semaine prochaine, le ministère psychique est très heureux d'accueillir Marcel Proust et ce n'est pas du temps perdu. En attendant, nous vous retrouvons dès demain matin à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode de La Panique au Mangin Palace, nouvelle version. Nous vous attendons nombreux et joyeux. Dans l'immédiat, vous avez rendez-vous avec Philippe Meyer. Pour la prochaine fois, je vous le chanterai. Rendez-vous donc demain matin à 11h et en direct. Prenez soin de vous, mais d'ici là, libérez votre folie. Ciao. Ça alors, comment peut-on confondre un psychopathe avec une personne qui est saine d'esprit ?